sa sévérité envers ses esclaves et ses affranchis. Dans les provinces, pour les festins qu'il donnait continuellement, il avait toujours deux tables, l'une pour ses officiers et pour les Grecs, l'autre pour les Romains et les plus illustres habitants du pays. La discipline domestique était chez lui exacte et sévère, dans les petites choses comme dans les grandes. Il fit mettre au fer un esclave boulanger pour avoir servi à ses convives un autre pain qu'à lui-même. Un de ses affranchis avait commis un adultère avec la femme d'un chevalier romain. César, quoiqu'il l'aimât beaucoup et que personne n'eût porté plainte, le punit du dernier supplice.